Situation 3. Bonjour madame, et pour vous, qu'est-ce que ce sera ? Une baguette, pas trop cuite s'il vous plaît.